Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes fatigué. Ninajua sema mnesha kuchoka. Mais lakini ne fatiguez pas dans les choses de Dieu. Mushichoke mumambo ya Mungu. Si tu es devant la présence de Dieu, kama kumbele ya mwepo ya Mungu, il n'y a pas de fatigue. Hakuna mchoko. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu wetu amibariki. J'espère que vous avez aussi prié pour moi. Que Dieu vous bénisse, celui qui a prié pour moi. Levons-nous. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Oh, il est le roi des rois. Que ton nom soit béni. Jina lako ibarikiwe. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaswe. Que ta règne vienne. Ufalme wako uje. Nous croyons certainement à toi. Tunaamini hakika kwako. C'est toi qui es notre réconfort. Ni wewe njoo kututia nguvu. C'est toi qui nous connais par rapport à nous-mêmes. Njoo wewe jole tujua kushinda hata shebenye. C'est toi qui nous a appelé. Na ni wewe ulituita. Pour que nous soyons tes fils et tes filles. Tupate kuwa bana na babinti yao. Ce n'est pas au hasard. Haina tu kwa kubatisha. Que nous soyons ici. Tupate kuwa hapa. Pour nous dire que tu nous as choisi dès avant la fondation du monde. Et tu savais l'un et l'autre de nous. Et nous sommes retrouvés ici. Pardonne toutes nos iniquités. Regardez-nous à travers l'œuvre de Golgotha. Nous voulons t'écouter, toi, Seigneur. Écarte-nous du chemin. Toi-même, Seigneur, qui donne la solution, qui connaît les siens, venez pour nous instruire afin que nous ne soyons pas ballottés, mais nous soyons. Lakini tupate kuwepo. Parce que le temps n'est plus encore là. Jusa, wakati ina. Béni cette église. Bariki kanisa. Béni leur pasteur. Bariki pastor wabu. Béni leur associé. Bariki msaidizi. Béni tous ceux qui travaillent dans ce lieu. Bariki bote wanatumika pale hapa. Béni mon frère, béni ma soeur. Bariki ndugu yangu. Béni la parole que nous voulons lire maintenant. Bariki neno tutasoma hapa sasa. Au nom de Jésus Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prenons Jacques chapitre 1. Tubebe Yakobo sura ya kwanza. Verset 16 jusqu'à 24. Alléluia. Ah. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de la lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Chassez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prêt à écouter et là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetant tout essuyé et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et le met en pratique et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après d'être regardé s'en va et oublia aussi quel il était. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Et katika fura? Vous croyez à la parole? Munamini kuneno? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bien aimé. Mapendwa. Frère, élevez un peu votre voix parce qu'il faut aller avec le même rythme avec le prédicateur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici, c'est pour recevoir des bons conseils. Et c'est Dieu qui nous conseille. La seule manière que Dieu peut nous conseiller, c'est le moyen de la parole du Seigneur. C'est pour cela, mon frère, j'aimerais que tu m'écoutes bien. Ma sœur, j'aimerais que tu m'écoutes bien. Nous ne venons pas ici pour jouer. S'il vous plaît. Nous ne venons pas pour jouer. Ici, c'est un lieu de prendre cela en sérieux. Un conseil que je peux te donner ce matin, ne soyez pas derrière les hommes. Ne soyez pas derrière les gens. Le salut est individuel. Ce que tu avais semé, c'est celui-là que tu vas moissonner. Ne soyez pas fanat de quelqu'un. Notre fan ici, c'est la parole du Seigneur. Si vous croyez à la parole, croyez que vous êtes dans la vérité. Mais si vous croyez aux hommes, croyez que vous êtes loin de la vérité. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous conseille. Ne vous mettez pas par votre propre volonté, mais par votre propre raisonnement. Savoir que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? Ça vient du Très-Haut. Bien aimé, la vie, tout ce que nous sommes, personne ne peut te donner la vie. Celui qui peut te donner la vie, c'est le Seigneur lui-même. Même la souffrance de vie que tu as, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Évitez confiance en regardant les gens, en regardant les hommes, mais mettez votre confiance à ce que dit la parole. Alléluia. Amen. Un bon chrétien chrétien doit reconnaître la voix de son père. Et notre père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, il a un seul moyen de nous parler, rien que le moyen de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Évitons de marcher derrière les gens. Ce n'est pas ça le moyen de se préparation. Le seul moyen de préparation, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, c'est un conseil gratuit. Vous savez, frère, si tu es derrière, au lieu d'être derrière la parole, si tu es derrière les hommes, tout ce que les hommes font, toi, tu seras toujours d'accord. Pourquoi? Tu n'as pas confiance à la parole, mais tu as confiance aux hommes. Alléluia! Amen. Jésus revient bientôt. Yes, on a redit à passage. Et nous devons mettre toute notre vie. Tu n'as pas chacoué comme Aïcha et tu dois être correct. Aïcha, tu n'as pas chacoué comme Yolanda. Selon la parole. Fatana neno yamu. Selon les principes de la parole. Fatana makanuni yamu. Parce que l'état où nous sommes. Sababu wakati le. C'était un temps de réveil. Ni wakati ya wamsho. Nous devons se réveiller. Tu n'as pas chacoué la muka. Parce que. Sababu. Le monde aujourd'hui. Dunia leo. S'ensemble être comme nous. Et iko na tafuta kunakona sachei. S'ensemble être comme nous. Mais il ne sera pas comme nous. Parce que nous avons toute la parole. Nous avons la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Le message que toi tu as écrit, c'est un message promis. C'est Dieu lui-même qui a promis ça. Et lorsque le temps est arrivé, il nous a envoyé cela. Pourquoi? Parce qu'il savait que toi tu seras là. Et ma soeur, il savait que toi tu seras là. Il nous a envoyé le message. Le message doit nous préparer. C'est pour cela, notre frère Jacques, il nous conseille. Il dit, ne vous y trompez pas. Mais bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend en haut. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bapendwa. Aucun homme qui peut te donner la grâce excellente. Hakuna mtu anaweza kupatia neema ya nzuri. Aucun homme qui peut te donner le don excellent. Hakuna mtu anaweza kupatia ile zawadi ya nzuri. Tout ça vient d'en haut. Yote vinatokea ni kumbini. Tout ce que tu cherches dans ta vie. Yote unatafuta maisha yako. Si tu veux la voir. Kama unapenda kuwa nayo. Mette ta confiance à la parole. Weka matumaini yako ndani ya neno. Mette ta confiance à Dieu. Weka matumaini yako ndani ya Mungu. Et tu auras tout. Na utakuwa na vyote. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Il dit. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu, il nous a engendrés par la parole de la vérité afin que Kusudi, nous soyons kuwa, en quelque sorte moja hivi, les prémices de sa créature. Malimbuko ya maumbile yake. Alléluia. Amen. Dieu, mon bien-aimé, il a tout fait comme son programme. Peut-être c'est toi qui es distrait. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, tiens ma toi. La nanga est bien. Mungu wa kumbingu. Asala mokano na ye. Arifanya matengenezo yake. Est-ce que vous écoutez? Eti munashikia? Mokano na ye wana. Matengenezo yake mapu yake ile. Mokano na ye. Matengenezo yake. Oyo ya asala. Ile yaritunga. Kona biso. Juu yetu. Ezali na njira na liloba. Iko na ndani ya neno yake. Kona koloba yete. Ana njia kusema. Demo fandi wana. Pale unaikala pale. Yo zande liloba. Wewe uko ni neno. Ozole na mama sœur. Mweti uninifuata dada. Moto ya zali liloba. Ule mtu yeye alimfuata neno. Asali mbuma ya libo. Eko maumbile ya kwanza ya Mungu. Etokela mina njela na liloba. Na tulifanyiwa na neno ya Mungu. Kwetetoza la bambu maya liboso. Kwa tupate kuwa malimbuko ya kwanza. Ya simate. Apana ya kumkongu. Maya liboso. Ya kwanza. Aleluya. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Dieu disait à Israël, vous ne serez pris jamais les queues. Vous serez toujours la tête. Alléluia. Amen. Vous ne serez pris jamais en bas, mais vous serez toujours en haut. Dieu, Mungu, il nous connaît. Anatujua. Et s'il nous connaît, na kama netujua, il nous a créé alituumba, par la moyenne de la parole. Namna ya neno afin que nous soyons les premières prémices de sa création. Malimbuko ya kwanza ya maumbile ya Mungu. Nous sommes les hommes et des femmes de valeur. Les hommes et des femmes importants sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes importants, frère. Il faut avoir même la fierté. Comme tu es là. Et si tu te connais que tu es chrétien, soyez fier. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Atukui hapa njia kubembelezana. Aleluya. Amen. Ngai na kwa kikotika ndako na ngaite. Mishezu kuacha nyumba yangu. Bwana kenda kana lingomba. Nipate kwenda mkanisa. Bwana kenda kwa kuflate. Nipate kwenda kubembelesha. Bato bamona kangai. Bantu banyone. Naluka kentera ya lingomba. Nipate kupata mafaida hili ya kanisa pana. Lingomba ikotika la. Kanisa itabakia. Eske bosola na ngai. Eti mnanifuata. Nazali na bezo ya entera ya lingomba te. Mishina lazima ya faida ya kanisa. Nazali na bosenga. Mie ni mangaria. Ya entera ya liloba. Faida ya neno yangone zote kandako ile njo kinyemi cha nyumba ndio mimi nakuja hapa pona yebiete kwa sababu mimi najua kwamba yako beneficiaire loko moko ya valeur mimi nakuja kufaidia na kitu kia mafaza hiyo loko wana na kile kitu ni nini ezalini loba na zambe ni neno ya Mungu. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanyelewa? Si on a bâti ça, kama walichenga hii, c'est pour que nous soyons, ninjui tupate kuwa, en communion, mushirika, pour écouter la parole. Juu ya kushikia neno. Lere mbule kobeta, hata pale mvule tanguka, mbule bete la bisote, mvule shitupikie, mbule yeye la bisote, hata mpepo shitupikie, mbule shitupikie, eti mnafuata, pepo na tobomba kaba kiti na biso, joko wa mwana mtaona ibichi, na babiloko na biso, na biote vikule, awe zene loko te, hapa bina na kaji. Alleluia. Amen. Et loko tozina bosenga. Ile tu unafuata. Lero usukoli. Wakati unasafisha. Olati bilamba. Unavala mavazi. Otiki musala na yo. Unatoka kazi yako. Unabina kekuna. Unasema mnenda kule. Kwa koyoka liloba. Ninjua kushikia neno ya Mungu. Liloba wana. Na ile neno ya Mungu. Yangondeza la principe na yo. Yo njo ile nyekuya agizo yako. Eza loko na yo ya yambo. Ipate kuya kitu na kile. Na pomo ina yo mobimba. Kile utaweka muro yako yo. Loko sengeli osala. Ile unapasha kufanya. Yambo penza. Ezali liloba. Mpaka tu neno ile ya kuchunga. Lero yoki liloba. Lero yoki liloba. Wakati unashikia neno, otieli yango na mosala. Unaiweka mkazi, unatishia. Esungi ndenge ya kutambula nayo. Na na kusaidia utembe. Esungi ndenge ya kutambula nayo. Je, nakusaidia namna kutembea. Liloba za kusunga yo. Neno unakusaidia. Ndenge ya kutambula. Munamna wewe kutembea. Senda moyo huu. Mui dunia hii. Alleluia. Amen. La parole, frère. Neno nduku. Ça vous aide. Et kusaidia, ça nous donne la manière de marcher. Et tupatia namu na sur cette terre. Hii dunia. Comment je peux marcher? Je minaweza kutembea. Comment je peux vivre? Je minaweza kuishi. Qu'est-ce que je peux faire? Nini minaweza kufanya? Alléluia. Amen. C'est pour cela nous ne sommes pas les ignorants. Jo kwa maana shatu na batu bashipo kujua. Nous ne sommes pas les ignorants. Hatuna bale bashipo kujua. Batoyo ba mibosa naka. Bale abajue. Nous ne sommes pas comme ça. Hatuna wa vile. Nous ne sommes pas les ignorants. Hatuna batu bashipo kujua. Moi je me connais. Mimi najijua. Que je suis chrétien. Ya kwamba ni mungu Kristo. J'entends la venue du Seigneur. Mimi nachunga kuja kwa Bwana. Je sais que tout ce qui se passe. Mimi najua sebi yote binapitikana hapa. Ce sont des choses partielles. Ni bitu vya kupita. Demain ou le lendemain. Kesho kesho yake. Ça va rester. Bita bakia. Parce que tout ces choses. Sababu bitu vyote. A un commencement. Biko na mwanzo. Et a une fin. Na biko na mwisho. Alléluia. Amen. Mais moi. Lakini mimi. Je n'ai pas un commencement. Mimi sina na mwanzo. Je n'ai pas une fin. Mimi sina na mwisho. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi. Sababu le kondani yangu. C'est celui qui n'a pas un commencement. Ni ule ana mwanzo. C'est celui qui n'a pas une fin. Ni ule ana tena na mwisho. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami. Écoutez. Musiki. Chassez-le. Mufukuze. Mes frères bien-aimés. Bapendo banduku. Ainsi que Yivi, tout homme muntu ote, soit pro à l'écoute. Ampote kujua se muntu ote apate kwa taira kushikia. Na mupole mkusema. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tout ce que la Bible est en train de nous instruire, c'est pour être des bons citoyens. Des bons citoyens. Avoir une civilisation qui nous montre que nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un. Quand il regarde, il commence à parler. Non. Apana. Alléluia. Amen. Non, mon frère, ma soeur. Quand je regarde, wakati minangarie, je réfléchis. Mina fikili. Ça, c'est quoi? Ile ni nini? Ça, c'est quel esprit? Ile ni rokani? Cet homme, uimutu, il parle comme ça. Eko nasema hivi. Ça, c'est quel esprit? Ni rokani? Cette femme, uimwanamuki, il parle comme ça. Eko nasema hivi. Ça, c'est quel esprit? Eko na rokani? Alléluia. Amen. Et tu prends tout ce que le monde est en train de faire. Na unabeba biote bia dunia kunafanya. Tu le mets selon le rythme de Dieu. Unaiweka kufatana na Biblia. Alléluia. Amen. C'est comme ça Joville. Que nous devons faire Joville. Des choses Bitu. Dans notre vie. Mumaisha yetu. Amen. Amen. Un chrétien Mukristu. N'est pas comme celui-là. Ana Saoule. Frère, Duku. Amani politique ngona bango. Unaona politique yabo. Unaona hivi na hivi. Partout on te connaît. Wazi wote wanakujua. Tu es un homme qui aime des débats politiques. Ya kwamba kumtu unapendaga masungumzo ya siasa sana. Tu es un homme qui aime des matchs. Una kumtu unapendaga makabungu. Tu es un homme. Huku mtu. Tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu. Au fikake mkuelewa vitu vya Mungu. Ce n'est pas correct. Haina ya kunyoroka. C'est-à-dire tu n'as pas encore compris. Ni kusema au yaelewa bado. Pourquoi tu viens ici? Tu as nini unakuyaka hapo? Un enfant de Dieu. Toto wa Mungu. On l'a fermé la bouche. Basha kumfunga kinywa. S'il faut parler dans sa vie. Kama nafai kusema mwasha yake. C'est la parole de l'édification. Paka neno ya kujenga. Et cette parole. Na ile neno. C'est la parole biblique. Ni neno ya Biblia. Qu'il a reçu dans ce temps de la fin. Il a ripokea mwi wakati ya mwisho. L'église bien-aimée. Kanisa bapendwa. Il est bien instruit. Et iko kufundishwa mzuri. Jésus. Yes. Il nous a envoyé la parole. Alitumia neno. Et ce message. Na ujumbe. Nous a donné tous les principes. Et tupatia makanuni yote. Comment nous devons marcher. Na muna kani tunapasha kutembea. Et si nous ne marchons pas de la manière. Na kama tutembee mwile na muna. Croyez qu'il y a un problème qui ne va pas. Amini asema ku kitu kimwa kiendeke. Nous devons retourner. Tunapasha kurudia. Pour regarder. Sio kuangarishisha. C'est la parole. Ile neno inasema. C'est pour cela moi. Même dans mon église là-bas. Quand je prêche. Je dis souvent. Si tu vois. Des choses ne marchent pas. Ta foi ne grandit pas. Tu dois retourner derrière. Vérifier bien. Quelle est la manière que tu as crié. Tu s'infiltres derrière les gens. Ou tu, c'est la parole qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Parce que si c'est la parole qui t'a appelé, c'est la parole lui-même qui doit construire une vie dans ton cœur. Il doit construire. Ce ne sera pas toi. Frère, Banduku. L'ère ton dimili loba. Wakati uriamini wewe. Moi je connais le jour que j'avais écrit la parole. Mina yo shiku uriamini neno. Quand le prédicateur a prêché. Wakati mubira arihubiriaka. Moi j'ai regardé ma vie. Mimi angalia maisha yangu. Je commence à pleurer. Nikaanza kulia. Je commence à pleurer. Nikaanza kulia. Dans le bas. Mule mukichi. Je pleure, je pleure, je pleure. Nalia, nalia, nalia. Et après, Nakisha, on a demandé le baptême. Barilomba, je mis la main. Et depuis ce jour-là, Natanyele shiku. J'ai compris une expérience dans ma vie. Miri elewa, nifanya unjo maisha yangu. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas atutake avoir beaucoup de chrétiens, de croyants qui ne sont pas nés de nouveau. Bana, bana benye kuzali kwa mara ya pili. Et alors, quoi, frère Moko? Kukunduku moya. Na Congo Central. Kule ku Congo Central. Frère. Nduku. Atei evangile oyote. Akaubiri eye njili. Atei. Akaubiri. Atei. Akaubiri. Combien de baptisés? Baptisés bangapi? 30 baptisés. Makumi tatu na mbili. Et parmi 30. Na katikati ya makumi tatu na mbili. Il les a baptisés. Akawabatiza. Mais le jour de l'église. Lakini shiku ya kanisa. Aucun baptisé qui vient à l'église. Hakuna hata mwenye kubatizwa mmoja alikuwa kwa kanisa. Jusqu'aujourd'hui. Kufika na leo. Ah. C'était quoi? Iko ni nini? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ces gens comprenaient bien la chose? Ils sont venus. Je ne sais pas pourquoi. Même chez nous, il y avait un prédicateur. Il est venu, pasteur l'a appelé. Pasteur Mouita, venez prêcher, nous avons campagne. Il a prêché. Trois jours. Premier jour. 80 personnes. Deuxième jour. 103 personnes. Troisième jour. 55 personnes. Ça, c'est une grande église. Hein, frère. Quand tu fais calcul, nikadiri ya mamia mbiri banduku. Mais au moment de culte, sasa wakati ya ibada, wakati unangara mkanisa, c'est la même église que nous étions. Nipokele kanisa mwamwa ile tukwa nani. Ces gens sont où? Bale batu beko wapi? Parce que ba mosusu ba yoka kike frère wana ko bonde la pona ba malade. Basi bele bali yua sima ule nduku atakuya. Ombea bagonjwa ba kwenye. Alleluia. Amen. Nous. Cheye. Nous n'aimons pas ça. Atupende vile. Nous voulons les hommes expérimentés. Nataka batu mwenye kwa na onjo. Les hommes. Bantu. Qui sont appelés par Dieu. Bale Mungu yeye mwenye anaita. Ufandi nandako na yo. Utoke kunyumba yako. Pe oke penda kwa. Unakuya, unakuya, unakuya. Pasteur. Pastori. Na yo ke lo komo ke zo yabi sangabo ina motema. Mina sheki dumu ina nyambia muro. Nali inde boye. Mina taka hivi. Nali inde boye. Mina taka hivi. Na koki ko resiste te. Mishi ta jama pana. Nde na ye pana yo. Hivi mina kuya kwa kwa. Wako sangai solution na yangu. Unipatie ko jibu kwile mambo. Batu wa modelo wana tozo wakabango lisusite. Batu wale bavile tuna nabo tena. Pourquoi? Juu ya nini? Bien-aimé, expérimentons la parole. Ne faites pas de blagues dans ces lieux. C'est le lieu où Dieu est en train de conduire l'église. Il cherche les croyants. Parce que la Bible dit beaucoup d'appelés, mais pas de lits. Quand tu crois, tu te vois comme si que ici ça devient une dénomination. Là, tu s'embrouilles. Ce n'est pas une dénomination. Aina zebu. C'est pourquoi rejetons toute la suie et tout excès de malice. Na kuzidi kote kwa bujanja. Est-ce que vous comprenez? Eti c'est Jacques qui parle. Ni Yakubo kunasema. Toutes sortes de malice. Aina yote ya bujanja. Recevez avec douceur mupoke na upole yote. La parole qui a été plantée en vous. Évitons des malices. Évitons l'hypocrisie. Évitons la suie. Celui qui n'arrange pas votre foi. Celui qui ne témoigne pas les programmes du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le corps ici n'a pas de valeur. Je vous dis la vérité. Écoutez ce que Pierre nous conseille. Pierre chapitre 1. Petro sura ya kwanza. 1 Pierre. Petro wa kwanza. 1 Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura kwanza. Verset 23. Mstari wa 23. Il dit ceci. Anasema hivi. Puisque vous avez été régénérés. Vile mulifanywa upya. Non par une semence corruptible. Hapana kwa mbeko ya kuharibika. Mais. Lakini. Par une semence incorruptible. Kwa mbeko yashipo kuharibika. Par la parole vivante. Kwa neno yenye kuwa hai. Et permanente de Dieu. Na ya kila mara ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti mko naelewa. Ici on n'engage pas un prophète. Hapa bamtaye mo nabii. On n'engage pas un pasteur. Hapa bamweke mo pastori. Ici c'est ta vie avec la parole. Hapa ni maisha yako na neno. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami. Bien-aimé. Bapendo. Yesu alinikoya. Yesu unakuya. Yesu alinikoya. Jésus revient. Sosola tina nino yaka. Upate kujifunza jioni unakuya hapa. Il dit ceci. Anasema hivi. Car sababu, toute chair yot, est comme un nèbre. Et toute sa gloire na utukufu yake yote, c'est comme la fleur de l'èbre. L'èbre sèche majani nakauka, et la fleur tombe. Na ile uwa inanguka. Mais lakini, la parole du Seigneur neno ya buwana, demeure éternellement. Na dumu milele. Et cette parole na ile neno, est celle qui a été annoncée par l'évangile. Injili. Alléluia. Amen. La parole nous amène à être sérieux. Frère, Banduku, tu es diacre, tu es administrateur, tu es choriste, tu es qui que ce soit, tu es l'homme de faire du plein évangile. Je vous dis la vérité. La parole est en train de nous assurer. Regardez la parole. Évitons regarder le monde. Évitons regarder les gens. Si tu travailles, travaille pour l'amour de Christ. Tout ce que tu fais, faisons cela pour l'amour de Christ. Frère, aujourd'hui, Léo, même dans les messages, ujum, même nous les prédicateurs, baubi, nous avons échoué. Nous avons échoué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Sababu Léo, nous sommes en train de regarder les intérêts charnels. Bien-aimés, les intérêts charnels à un commencement et à une fin. Tu ne peux perdre tout le travail que tu as fait à cause de regarder le corps, à cause de regarder le monde. Cet entourage du monde, ça n'a pas d'importance. Même si on te refuse, à cause de la vérité, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas l'imitateur de quelqu'un. N'imitez personne. Si la terre, n'imitez personne. Bien aimé, Papendo, prenez la parole au sérieux. Alléluia. Amen. Dans cette église, Mouikanisa, aucune église qui est notre exemple. Est-ce que vous me comprenez? Dans cette église, Mouikanisa, aucune église qui est notre exemple. Kanisa ingine cette yetu. Église est souveraine. Kuna cette yayo. Église, Kanisa, écoute seulement la parole. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas être influencé parce que tu es en Europe. Tu es en Europe. Tu as trouvé la manière de résorber. Alors tu veux nous amener ça ici. Frère, tu as l'esprit du diable. Est-ce que vous me comprenez? Dieu tout-puissant. Bien aimé. Bapende. Dieu tout-puissant. Il connaît chaque tribu. Kabila. Il connaît chaque village. Kile kijiji. Il connaît chaque habitude, chaque comportement de quelqu'un. Kila tabia, kila mwenendo, kila et s'il veut nous reprocher, na, il veut nous reprocher individuellement. Kila il ne prendra pas l'exemple hein, de l'assemblée de l'Ikasi. Non. Pana. Dieu regarde ce qui est en toi, et il doit te reprocher selon ce qui est en toi. C'est pour cette raison nous disons souvent notre église c'est l'église du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de prêcher les élus. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Dieu va peine. Chaque esprit, qu'il a ro, dans chaque ville, qu'il a le Saint-Esprit connaît. C'est pour cela. Nous acceptons ce que dit le Saint-Esprit. Tu dis que après qu'il est Rome, t'as par le moyen de l'Évangile. Kupitia namna injili. Est-ce que ça entre bien-aimé? Eti binengia mzuri ba peine. Bozo sola yango. Eti munaishikia mzuri. Rejetez donc toute malice, tout rise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Évitons cela. Désirez comme les enfants nouveau-nés. Alléluia. Amen. C'est la parole que je lis. Ni neno leri kuna soma. Soyez comme de nouveaux enfants nés. L'envie rejeté ça. Tupe matama yote. La médisance rejeté ça. La malice rejeté ça. Frère, Duku, celui qui vous a appelé, Rimita, il est saint. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Il dit, anasema, désirez comme les enfants nouveau-nés, mutamani sa watoto bachanga, les laits spirituels, maziwa kiro, et le pire, na, enfin, kusudi, que par lui, kupitia yeye, nous croissions pour le sali. Tupate kukomea kuokovu. Si vous avez goûté, kama murionja, que le Seigneur est bon. Ya kwamba Bwana yuko mwema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Moi, quand j'écoute la parole comme ça, parce que la parole ici, ça nous donne seulement la vie entre toi et la parole et Dieu. C'est-à-dire, tu es là en contact avec Dieu, en connexion avec Dieu. Le prédicateur, il est un orateur. Est-ce que vous comprenez? C'est un orateur. Dieu l'a donné ministère pour qu'à partir de lui, Dieu emprunte son corps. Pour parler à son église. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, bien-aimé. Ne soyez pas distrait. Écoutez le conseil et les paroles de notre frère Franck. Le cri d'appel. Cri d'appel au réveil. Lettre décembre 2006. Je prends page 12. Soyez attentifs, bien-aimés. Quand toi tu joues, tu vois comme si que le jour est encore là. Le moment est encore là. Il faut jouer. Il faut faire ce que nous voulons. C'est votre problème. Et pourtant, frère, dans ce temps de la fin, nous avons qu'un seul message. Le message est là. C'est ça le message que Dieu a envoyé. Derrière ce message, il n'y aura pas un autre message. Ça, c'est le message de préparation. C'est le message où nous devons prendre toutes choses en sérieux. Prenez cela en sérieux. Et quand nous le prenons en sérieux, nous verrons les accomplissements des Écritures. Les promesses de Dieu seront accomplies au milieu de nous. Oui, je vous dis la vérité. Nous devons commencer ça. Parce qu'il y a des choses où Dieu a donné à l'église. Nous devons les voir dans notre vie. Dieu ne peut pas utiliser cette arme. Dieu ne peut pas utiliser la chaise. Dieu doit utiliser ton cœur. Et c'est le moment où nous devons le faire. Parce que nous avons déjà reçu le message d'un réveil. Ce message est venu nous réveiller. Toi qui dors, réveille-toi. Le Seigneur t'éclairera. Tu dors trop, frère. Jusqu'à quand tu vas se réveiller? Jusqu'à quand tu vas se réveiller? Ah, que le Seigneur nous aide. Frère, Bandoukou. Aujourd'hui, Léo, l'église est comme catholique. Kanisa na kwasani kanisa catholique. Catholique comme ko luka molimo mosante. Kanisa inaanza catholique inaanza kufuta mtakatifu. Mais ils ont rejeté le Saint-Esprit. Ni bonje bari mukatala ru mtakatifu. Quand ils ont rejeté Jésus. Wakati bari mukatala bari mukatala Yesu. Ils ont rejeté aussi le Saint-Esprit. Na bari katala paka pale ru mtakatifu. Si ils recevaient Jésus. Kama bari mpokea Yesu. Ils pouvaient avoir le Saint-Esprit. Bangeweza kuwa na ru mtakatifu. Et le Saint-Esprit si ça vient aujourd'hui. Na ru mtakatifu kama nakuya leo. Ça ne vient pas pour l'église catholique. Aikuya kenjua kanisa catholique. Ça vient pour les croyants. Nakuya njua baaminifu. Et ceux qui m'ont commis qu'on nous casse un Jésus. Nakama ou vous avez un mtakatifu. Fou na kola qui s'abissoite. Inaone chakuse ma chère. Ngonga e belemi. Wakati aina akotena. Alléluia. Amen. Ngonga e belemi. Wakati aina ako. Oza le susu disrete. Apana kwa wakulengam. Alléluia. Amen. Avant que le processus de l'unification n'arrive à sa fin, il faut qu'on lien d'appel à sortir des croyants, des véritables croyants, et la préparation de l'église épouse. Alléluia. Amen. Ça, c'est frère Franck qui dit. Ninduku Franck qu'on a sème. Avant Mbele, que les églises, makanisa, leurs unifications, ipate kungana, prendre fin, ipate kufika kumwisho. Est-ce que vous comprenez? Mnelewa? Parce que bientôt là, sasa, apa, sasa, ça va prendre fin. Bitafika kumwisho. Bino bazo mona teke ba église, comment kosangana ba ngona? Oya mona sema makanisa unaungana mmoja mmoja na mmoja. Oya mona kebisho ndaba église de réveil. Abe unasema shenjo makanisa wa mwisho. Oya mona kebisho ndaba église ya bwana. Abe unasema shenjo kanisa. Aujourd'hui catholique na protestant ba komi kosangana. Leo ba catholique ba protestant ba kwa fazi mwa bato na kimbangu. Ata benye bantu ya kimbangu. Ba koma kosangana. Beko na ungana. Beko bako sala ba ordre ordre na bango ba signa arrêté mondial na bango. Beko na piga masinya ma arrêté yabo. Ile de réveil. Ile bana jita sema makanisa ya wamu. C'est ça l'unification. Jo muungano ile. Alléluia. Amen. Avant que ça arrive à la fin. Bele yo ile muungano ifike kumwisho. L'église. Kanisa doit se préparer. Inapasha kujitayarisha. L'église doit se préparer. Kanisa inapasha kujitayarisha. Elle est le moyen. Na namna moja tu. Nous devons se préparer. Yetu napasha kujitayarisha nayo. Mais c'est ce que nous écoutons ici, frère. Ni ile tu kunashikia hapa banduku. C'est pour cela ne soyez pas distrait. Joko maana mshukue bakulengama. O kanisa ke message mosuze kwa yenu. Unawaje sema kutakuwa ujumbe mwingine takuwa nyuma? Oh. C'est un cri de réveil. Ni lalamiko ya wamshu. Lamuka. Lamuka. Jésus revient bientôt. Yesu unarudia hapa sasa. Écoutez ce que dit frère Frank. Tous ceux qui sont maintenant, prêtez l'oreille à la voix de l'époux céleste et qui entendent ce que l'esprit dit aux églises au fond partie de l'épouse. Quand vous écoutez ce que l'esprit dit aux églises, tu fais partie de l'épouse. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Soyez toujours distrait, frère. Kama kupaka wakulenga manduku. Moi, je suis un homme du message. Mini ko muntu amujumbe. Nous sommes dans la tabernacle. Mimi na tabernacle. Bisoni di makabu e frère. Shewe tu amini paka zile. Bisoni di makabu e frère. Shewe tu chikie paka zile. Est-ce que watu zana tina bisoni di makabu? Eti hapa tuko na bantu wakubaki paka zile. Tuko na besoin. Tuko lazima. Ya kola kisa bato ete. Ya konesha bantu wakwamba. Tuko libana na Nzambe. Tuko watoto ya Mungu. Frère, banduku, nous devons manifester les œuvres de la parole que nous écoutons. Évitons des débats inutiles. Ce sont des débats de distraction. Il ne te donnera même pas le Saint-Esprit. Kama mtu anafanya masikio yake wewe shikia tu utoke wewe ndio ule mtu wa mabishano vipi wakati unamwangalia kunyuma yake utaona hata sema maisha ya neno ana naye ayebika kama komi bele na munoko anajua tupaka bia mingi bia mkinyo makomi de bele. Awa frère Franck dit, Franck anasema, dit la Bible dit pas comme citation, Bible anasema, mais regardez sa vie. Sasa mwangalie maisha yake. Est-ce que sa vie est-il digne de l'évangile? Eti maisha yake unastahili injili? Pocha kabisa na ba distraction. Mwache kutuweka mambo kulenga. Mwenjo mnabiwa bya mimi. Boye kole bele. Mwenjo mnaifunza bya mimi. Français ton dibino na minoko. Mnajaza français mubinywa. Suko yo biso peto ye kole bele. Sasa sha tukufunde bya mimi. Boko mi sabiso ba joba. Sasa utetona sasa tukuba babu. Tuko babolole na bino. Tunaonekana sasa babuelewele kwako. No frère. Hapana. Ici. Hapa. C'est l'esprit. Ni roho. Kile travail. Iko natumika. Même si tu n'as pas étudié. Hata kama ukufunze. L'esprit te dira ce qui est la vérité. Roho ya Mungu itakwambia kile kwa kweli. Et ce qui ne sont pas la vérité. Na ukweli. Amen. Apana kutuvuruka. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Tout ce qui est maintenant prête. Bale bote sasa hapo sasa banateka sikio. Il prête l'oreille. Na unateka sikio. À la voix de l'époux céleste. Sauti ya bwana rusi wa kumbini. Et qui entend ce que l'esprit dit. Na beko na sikio. Aux églises. Kile roho kunasema kwa makanisa. Font partie de l'épouse. Beko sehemu ya bibi ya bwana. Et ne se détourne pas. Na abaende mbali. Du message de l'air. Na ujumbe ya msiku. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Vous ne serez pas détourné. Amutenda mbali. Du message de l'air. Hii ujumbe ya leo. Nous sommes certainement arrivé à la fin. À la fin du temps de la grâce. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Comme il a été promis. Alléluia. Amen. Le temps est proche, mon frère. Même si personne ne connaît ni les jours, ni l'air, nous reconnaissons tout de même les signes. Alléluia. Amen. Les signes du temps et le message. Alléluia. Amen. Biso toyebi ne mokolote. Chez atuye atashiku. Toyebi tangote. Atuye sa. Mais. Lakini. Bilembo. Tunayua maalamu. Toyebi yangu. Tunayua. Alléluia. Amen. Toyebi bilembo wangu. Tunayua maalamu. Les lots qui t'omoni. Léo comme tu n'as science à Zaliko Sal. Oui, c'est science. Oh, bateau à mon kilima Zaliko Sal. Oui, bateau à mon kilima mon kilima. Mais comme partout. Ma vie t'a quoi fait. Oh, quand j'ai commis quoi, là, là. Eh, bah, bantu prends ta coupe. Ma cabo est commis quoi, comme un biringa biringa. Mambo n'a quoi à couvrir. Non, c'est Zaliko la qui s'abissouette. Léo, t'es bien au nom de Chabousse, maman. Alléluia. Amen. Biso ton copain, moi, t'es à tout à cause de ce que tu as bibi lembo. Tu n'as joué à ma lama. Nous connaissons des signes. Jua malama. Tu ne peux pas nous séduire. Tout kutongoze. Ce que nous faisons. Nafwanya, frère. Banduku. Croyez que vous n'allez pas nous tromper. Amine sema ute tudanganya. Ma soeur. Dada yangu. Croyez que vous n'allez pas tromper quelqu'un. Amine sema ute danganya mtu. Niamwe que cet homme ne connaît pas la parole. Ata vile ule mtu kama shujue neno. Mais tant que moi je connais la parole. Tu mimi najua neno. Je connais aussi celui qui est en moi. Mimi najua ule kundani yangu. Vous n'allez pas me tromper. Amwezi kunidanganya. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidi. Alléluia. Amen. Allons vite, vite. Twende haraka. Et frère dit. Nanduko anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Que l'accès soit de nouveau. Il est pas te kwate na mara ingine. Mi du point de vue biblique. Mkuangaria munamna ya Biblia. Si ce qu'il suit. Il est kama ile banafuata. Maintenant. Hapa sasa. Allié pour tous les véritables croyants. L'appel est sorti de toutes les églises. De toutes les religions. Et de tous les peuples. Et de tous les langues. Nous devons expérimenter le retour à la foi biblique qu'il nous a été transmis une fois pour toutes. Au véritable enseignement biblique, au vrai exemple biblique, à une pleine harmonie avec les enseignements des apôtres, tel qu'il nous a été transmis dans le témoignage des Saintes Écritures. Maintenant, c'est l'heure de décision. Est-ce que vous comprenez? C'est l'heure de décision. Wakati ya mupango. Ah bien aimé, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mpendo, mimi sijui kama upo pamoja nami. Vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami. C'est le temps de décision. Ni wakati ya mupango, ngoja mipango. C'est le temps de distraction. Anatena wakati ya kudengama. Tika distraction. Acha kulengama. Et par cela, na kupitia ile, chacun déterminer le lieu. Kila mmoja ataonesha fasi. Oui, passera son éternité. Fasi kuna tapitisha milele yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps n'est plus encore là. Wakati aina kotena. Écoutez ce que dit faux banam. Musikie kile ndugu banam iko nasema. Le message à l'église de Laodicée. Ujumbe kukanisa ya Laodikia. Le message Ujumbe à l'église de l'Odyssée. Kukanisa ya l'Odyssée. Prenons même paragraphe 11. Tubeba ta nukta 11. Parce que le temps est parti déjà. Sababu wakati cha kwenda de. Il dit ceci. Anasema hivi. Paragraphe 11. Nukta 11. Écoutez. Mushiki. Et je me dis. Na niko nasema. Plutôt ceci bien des fois. Ma wakati ya mingi. Par son relâchement. L'église est arrivée à faire des choses, à passer des choses, à considérer les choses juste telles qu'elles sont. Alors que nous devrions peser ce que nous faisons et disons, nous devrions bien réfléchir si une chose avant de le déclarer. Alléluia! Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Un chrétien, avant tout, tu dois d'abord réfléchir. Ta vie doit réfléchir. Maisha yako unapasha kufikiri. De la manière que toi tu as cri. Munamna leo uliamini. Amen. Amen. Ne regardez pas l'enthousiasme des gens. Apangare apana kuangalia kuchambua ya bantu. Hawa bantu wote unaona. No bien-aimé. Apana bapendo. Na inakokiko muona bato hiyo nyoso. Bila uweza kuona bantu wote wako hapa. Bangonyoso baika bana na Nzambe te. Wote hapa na batoto ya Mungu hapana. Ezana ba mosusu. Huko bengine. Baipenda ba ambassadeur ya diable. Beko balozi ya bashetani. Batida mipena lingomba. Barikuya mwika nisa barabatuma Kona kukapta kanyoso ya zali kolekao Jio kubeba bete biku napitika na hapa Kona kukenda kwa pupwe la kabino mipepe kuna libanda Na kuenda kubitangaza kule inji Lere ya yoki Wakati ya nashikia Alobibu anake na kumona sere wana Asema blenda kuona ule dada kumulango yake Soka kubike loko wana Kama atashikia mama Ili vya tambulie Anakuya kukufuruka Eske vuka mbrene Eti munaelewa Sa pursala danzi neglizi loka Joko mana mkanisa ya pali Ili ya trua sorte de kruaya Kwa ina tatu ya baminifu Un vrai croyant Mwaminifu wa kweli doit réfléchir anapasha kufikiri de tout ce qu'ils font kwa kile kyote kunafanya parce que l'église c'est toi sababu kanisa ni wewe l'église c'est toi ma soeur kanisa ni wewe dada yangu Il n'y a pas moyen d'être derrière les gens. Hakuna namna ya uoba kie nyuma ya watu. Expérimente toi-même ta vie. Onja wewe mwenyewe mu maisha yako. Prouvez toi-même ta vie. Hakikisha maisha yako mwenyewe ya kwamba mie. Si je suis ce que je suis. Kama niko iki niko. C'est Dieu qui m'a appelé. Ni Mungu alinita. C'est le temps de réfléchir. Ni wakati ya kufikiri. C'est le temps de réfléchir, frère. Wakati ya kufikiri nduku. Dans tout ce que nous déclarons. Mubiote betu kunasema. Ma vieille maman. Mama yangu le wazama. Qui était originaire du sud. Ule alikuwa kule kuku. Me disait souvent. Alikuwa ananiambia kila mara. Réfléchir. Fikiri. Deux fois. Mara mbili. Et parler. Mena useme. Une fois. Mara moja. Parfois, ce sont les petites choses que nous ne faisons pas qui ont une si grande importance pour nous. Alléluia! Amen. Bien-aimé, un jour, Shikumoya, à Caligresse, Je disais une chose. Nikuona sema kitu kimo. Je dis frère. Nikuona sema wanduku. Eza na ba sere bele hawa. Peko badada ba mingi hapa. Asala kanebi kobote. Ashifanyage. Atonga kaneba tote. Ashipikiake batu. Me mobali aboya yena mbeto. Lakini bwana, eo na mkatara bwana yake kukitanda. Voyez. Naona. De petites choses là. Tubitu tule tuloko. De petites choses. Tubitu tule tuloko. Que nous négligeons là. Tule tukuna sula tule. C'est ça qui nous écarte. Njo tule tupeleka mbali. De la volonté de Dieu. Na mapenzi ya Mungu. Eza la frère mosusu wao. Huko nduku mwa mwingine hapo. Me amona kakaka yaka losamba. Unamunaka na kwa kuomba. Me dime na ya pesa kate. Lakini chekumi yake aletaje. Ofrenda yebiko pesa sate. Sadaka shweta kuileta. Me azana mbongo na poshi na ye. Lakini eko na mfranga mfuku yake. Azana mbongo na ndako na ye. Eko na mfranga kumulangu yake. Me kwa abimi sa ofrenda. Juhi ya kutosha tu sadaka. Eza problem. Ni mambo. E pourtant. Japo. L'ofrenda. Sadaka. Le profeta di. Nabia risema. Fait partie de l'adoration. Iko sehemu ya kuabudu. Ce sont de petites choses. Ni tule tubitu tuloko tuloko. Nous négligeons. Cela nous amène à être détruits. Il n'y a pas moyen de puissance dans un bel salon. Il y a des petites choses. Eh bien aimé. Le temps est parti. Bapendwa. Retare na yoana. Ile retare yako nakuyaka nayo. Oyoyo, yo sambu ifo koyaka retare. Ile na unayo siku kanisa inafaa kuwepo kana retare. De petite laisser aller là. Tu bintu to kuachilia tuloko tu. De moindre petite chose là. Tu bintu tuloko tuloko kabisa. Oyebi. Unayua. Evre. Nduku. De petites choses là. Tu le tubindu tuloko tuloko tu. Tu fais aujourd'hui. Tu le unafanya. Que ne pas. Expérimenter la puissance de Dieu. Tu kuna fanya ukose kuonja uwezo wa Mungu. Wewe mwenyewe unajua. Ton caractère là. Tabia yako ile. Mais on t'appelle frère. Lakini banakuita nduku. Tu te vois que tu es bien. Unajiona sio kumjua. Or tu es en train de hériter le caractère de vos grands-pères. Japo ushakubeba tabia ile ambayo ni la parole du Seigneur. Ile aina neno ya Mungu. Ce sont des petites choses. Ni tule tubitu tuloko tuloko. Faut nous arrêter. Inafai tushimamishi. Et réfléchir bien. Na kufikiri mzuri. Il faut réfléchir. Inafai kufikiri. Parce que Jésus revient bientôt. Sababu Yesu unakuja hapa sasa. Bien aimé. Bapende. Quand Jésus revient. Wakati Yesu anarudia. Il doit trouver une puissance. Anapasha kuta uwezo. Et cette puissance. Na ile uwezo. Ça ne sera pas dans cet bâtiment. Haitakuwa mwi kanisa. Ça doit trouver la puissance même dans ta maison. Anapasha kuta uwezo hata mwi nyumba yako. Parce que le jour de l'enlèvement. Sababu shikwa kwenye kuliwa. Personne ne connaît. Hakuna mtu anaijua. Peut-être ça va te trouver en dormant. Sasa zingine takuta ushakulala. Tu es en voyage. Peut-être tu es au boulot. Peut-être tu prépares. Alors cette puissance doit trouver là-bas là où vous êtes. Ne cherchez pas la puissance ici. La puissance de Dieu doit être dans nos vies. Yesu akoya yoka ni sasa kuya. Yesu anaweza kukuta kule kumwacha. Yesu tu ya la puissance. Na kama kuna uwezo. Inter récupère directement. Anakubeba paka pale. Yoko na babe ifona keneka neglize kama. Nafai useme sema mnyende mbebe kanisa. No frère. Hapana nduku. Ezate nenge tozabu ende Yesu ayemba. Ana sema njoo hivi tu kwa bwana. Wale za lokuta. Ile ni bintu vya Mungu. Biblia lobi. Eh Biblia nasema. Libale na mbeto. Bawili batakuwa pa kitanda. Moka juye. Moya tenda. Mosu satika. Mwingine tabakia. Libale na bilanga. Bawili beko mtoko. Moka juye. Moya nenda. Mosu satika. Mwingine nabakia. Libale na motuka. Wengine beko mwazari. Moka juye. Moya bana mbeba. Mosu satika. Mwingine nabakia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que mnaelewa? Il faut que la puissance de Dieu inafai uwezo wa Mungu dans notre vie. Il faut avoir la vie de la puissance du réveil. Inafai ukue na ile maisha ya uwezo wa uamsho. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans cet âge. Mwikizazi. Nervoreux. Yikizazi kia majimu. Où nous vivons. Mule tukunaishi. Nous sommes tellement pressés. Tuko atika ba de nous lancer sur des choses. Ya kuchoka pa bitu bimoya. Ili nous encombre ce soir. Ina tufai mangaribi ya leo. En tant qu'église de Dieu. Sawa kanisa ya Mungu. De nous arrêter. Tupate mbele kushimama. De nous arrêter. Tupate kushimama. D'attendre une minute. Kuchunga kwa dakika moja. Pour voir où nous sommes. Juu ya kuona ni fashi gani tuiko. Abomba musu. Alléluia. Amen. C'est le temps. Ni wakati. Où nous devons arrêter. Je tunapasha kushimama. Si tu marches, kama kuna tembea. S'arrêtez-vous. Shimama mbele. Eh ma soeur. Eh dada yangu. Comme tu vas rentrer dans ta maison. Je utaweza kurudia kumlango yako. Arrêtez-vous. Shimama mbele. Sasa lamu isaye. Au yoko kama mtoto. Dada, lamuka pana kulala. Lamuka sasa wana. Lamuka. Arrêtez. Shimamisha mbele. Vérifiez. Uchunguze. Toko mi wapi? Unafikia wapi? Nous sommes où? Tuko wapi? Nous sommes où? Tuko wapi? Arrêtez. Shimama. Réfléchis. Fikili. Nous sommes où? Tuko wapi? Bien aimé. Mapende. Bisolere tondimi sango. Yeo hii tunakuya hapa. Sango ye lakisa biso bilembo na yangu. Hii nene unatuambia namna. Bilembo emonana. Maalama iko nonokana. Eto yeba kayango kino lelo. Itaorokana paka na leo. So kito zo teya. Wakati kuna ubiri. A partir experience alikambo. Ni kupitia onjo ile mama. Po so kiyango te. Kama ina ile. Neko kipi kubele mali boso na binu te pona kote. Mishu uweza kushima mbele nunjua kubi. Paske la Bible di. Kambao bibie nasema. Ondone sekonda. Beko na le. Utaleta paka kino kuna. Chitunarie. Kama una na kitu. Paske tiva dono. Aux enfants de Dieu. Tu dois donner aux enfants de Dieu. Ce que aussi Dieu t'a donné. Il est Mungu naye kupatia. Arrêtons. Tushimame. Regardons. Tuangalie. Où en sommes-nous? Tuko ni wapi? Nous sommes derrière les gens. Nous sommes derrière l'église. Ou nous sommes derrière la parole. Est-ce que nous vivons la parole? Parce que Jésus revient bientôt. Le message a été déjà proclamé. Dieu a accompli tous les ministères. Il avait prévu pour le cri d'appel. Pour nous appeler à sortir. Nous avons réussi tout. Maintenant, c'est à nous de vérifier. Est-ce que nous sommes alignés ou nous ne sommes pas alignés? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Nibia kweri. C'est pour cela bien aimé. Joko mwana bapendwa. Le temps est parti. Wakati nisha kwenda. Bon, lisez même Jude. Tusoma ta yeye. Et nous allons partir. Yuda tu njo twende. Faut vérifier. Inafaa uchunguza. Message. Ujumbe. Message. Ujumbe. Message ni masekite. Ujumbe na mchezo hapana. Message. Ujumbe. Doit nous donner une force d'aller au ciel. Inapaswa kupatia ile nguvu ya kwenda kumbinga. Alléluia. Amen. Nous sommes différents des églises. Tuko wenye kuachana na makanisa yote. Nous ne sommes pas une église. Chacun na makanisa. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple de Dieu. Tuko taifa ya Mungu. Épouse. Bibi arusi. Préparé par Dieu lui-même. Yenye kutayarishwa na Mungu yeye mwenyewe. Taillé par Dieu lui-même. Yenye kuchongwa na Mungu yeye mwenyewe. Formé par Dieu lui-même. Yenye kutungwa na Mungu yeye mwenyewe. Faisons de bonnes œuvres. Tufanye matendo mema. Pratiquons de bonnes œuvres. Tutumikie matendo mema. Arrachez nos amis. Tupate kula kumona bandu yetu. Vale bengari kimujango. Dans la vie du monde. Vale bengari kimaisha ya dunia. Arrachez-les. Tupate kubachomona mo. Bien-aimé. Bapendo. Na kalakala. Kukalakala. Na kalakala. Zamani. Ngai na yebo yepa na bino boy. Mini kuye hapa hivi. Ah. Hapa. Me. Mwa mosuba mosuba kwa memangali golo. Bene wanaweza unipandisha tayulu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que. Sababu. Présence ya frère moko utibu sika. Wepo ya ndugu na tokia mbali. Esala ke sengwe pa ba frère roba zina liye. Iku naleta fura kubale ba ndugu weko palifa. Vous me comprenez? Eti mnanyelewa. Vous me comprenez? Mnanyelewa. Me lelo. Sasa leo hii. Tukuma lokola ba politicien. Tuna nongona sababu mtu wa siasa. Eh? Eh? Na ina usolo la nayo. Na ni kuna kusumuza. Ni kuna shikia boka. Na usolo la nayo se. Ni kuna sumuza na we dada. Ni kuna shikia boka. Est-ce que c'est ça que nous avons crié? Eti njovi tuliamini? Tout doit être rétabli. Yote na pasha kurudishwa. Parce que Jésus revient bientôt. Sababu Yesu unarudia pa sasa. C'est le temps de s'arrêter. Ni wakati ya kushimama. Pour vérifier. Je kuchunguza. C'est pour cela Dieu ne manque pas de témoins. Njo kwa maana Mungu akosake bashuda. S'il a planté cette œuvre dans ce lieu. Kama alipanda hii kazi pale hapa. Il sait qu'il y a des témoins ici. Anajua sema peko bashuda hapa. Et celui qui sont des témoins de Dieu. Na ule kwa mshuda wa Mungu. Écoute la voix de Dieu. Eko nasikia sauti ya Mungu. Amen. Amen. Jude chapitre 1. Yuda sura ya kwanza. Prenons verse 17 jusqu'à 23 pour le terminer. Sura 17 pa 23 juu ya kumaliza. Il dit. Anasema. Mais vous, bien-aimés, lakini mweba peni. Souvenez-vous. Mukumbuke. Des choses annoncées. Bitu baritangaza. D'avance. Mbele. Par les apôtres. Kuba mitume. De notre Seigneur Jésus-Christ. Ba Bwana wetu Yesu Kristo. Il vous disait qu'au dernier temps, il aurait de mon cœur, marchant selon leur convoitise impie. Bien-aimé, dit Amen. C'est la parole. Quand nous écoutons, nous devons réfléchir à ça. Ce sont ceux qui lui provoquent des divisions. L'homme sensuel. N'a pas d'esprit. Pour vous bien-aimés. Pour vous bien-aimés. Vous édifiez vous-même. Sur votre très sainte foi. Et priez par le Seigneur. Non, priez par le Saint-Esprit. Maintenant. Maintenez-vous l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Pour la vie éternelle. Reprenez les uns. Ceux qui contestent. Sauvez-en. d'autres. On les arracha du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de la crainte, haïssant jusqu'à la fini que suivir par la chair. Alléluia! Ce sont de bonnes choses. Quand tu écoutes, ce sont des versets bibliques qui nous montrent même dans ta maison, allez lire ça. C'est le temps où nous devons arracher nos bien-aimés qui sont dehors, qui ne comprennent rien la chose. Parce que nous avons reçu la vérité. Et la vérité, c'est ça ce que Jésus avait dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Soyons fidèles à la parole. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, vérifions nos vies. Chaque jour de votre vie. Nous sommes différents des dénominations. C'est pour cela qu'il faut avoir crainte de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes, c'est ce que Jésus est. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Tu simame tutaomba Bwana. Je l'aime. Je l'aime. Parce que